L'exposition nationale des articles de consommation courante 3 août est inaugurée le 3 courant dans l'exposition des articles d'usage courant près le ministère de l'Industrie alimentaire et des articles d'usage courant. Les cadres intéressés et les producteurs ont pris part à la cérémonie. Ils sont exposés plus de 85 000 articles de plus de 7 700 espèces fabriquées par les usines, entreprises et équipes de travail à domicile avec des matières premières locales et réserves latentes.